maladroit d'essayant de les trouver. Et oui, je vous l'avoue, c'est ça mon grand péché. On m'appelle le vagabond, oui, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'abord, il y a eu Suzy, Marie-Claire et Dorothée, Annie, Kevin, Sylvie, puis Gisèle et Marité. Avec toutes ces poupées, j'aurais bien dû m'arrêter. Mais plus j'en rencontrais, plus je voulais continuer. Car je suis le vagabond, ouais, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors je cours de ville en ville, et sans jamais me reposer. Je cherche les plaisirs faciles, et si je peux flirter, là je prends un temps d'arrêt. Et puis je disparais en volant quelques baisers. Car moi le grand amour, je ne l'ai jamais rencontré. Les filles ne m'intéressent simplement que pour flirter. Seule envie, c'est de toutes les aimer. Car je suis le vagabond, ouais, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jamais rencontré, les filles ne m'intéressent simplement que pour flirter. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de toutes les aimer. Car je suis le vagabond, ouais, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Car je suis le vagabond, ouais, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Car je suis le vagabond.